mach Schluss. Oui, j'ai réussi à remettre mon truc. J'avais tout planté à cause de toi, Ben. Faut pas y toucher à ces trucs. La malédiction. La malédiction de Benjamin. Moi, je vous dis que Windows 7, c'est de la merde. Mais non, moi j'ai marché des années avec Windows 7, j'ai passé à Windows 10, avec 7, j'ai jamais été emmerdé. Je dirais que même 7 est mieux que le 10, parce que le 10, il y a trop de choses qui marchent en même temps, ça bouffe de la CPU. Moi je préférais 7. Bon, enfin, je reviens plus en arrière. Ça marche pas bien, hein. Ça coupe.